veuillez vous asseoir en silence, s'il vous plaît. Affaire numéro 89, CN2280. Ouais. Je plaide ma cause, je m'impose à la barre, impose ma plaidoirie et je tarie les jurés, plaide la cause d'une couleur de peau salie, la fin de vie drone et king. C'est vrai, vaut le coup que je donne mon avis de citer à comparaître. Pour avoir donné mon avis, chèque sans alibi en béton, je risque le couloir de la mort, corps rangé comme par la mort. Au rail, on attend sa mort, milite contre la vérité d'American X, Story XX, péditoire comme la mort de M-A-L-C-O-M-X. Au son d'homme de couleur, fais-moi un suspect potentiel à l'ombre. Pour ce que je n'ai pas fait de moi, une victime essentielle. On me rappelle à la barre, ça me fout les jetons, mais je reste tel qu'elle, elle, le je sais que je fais pas dans la dentelle. La race aryenne une foutaise, une race suprême une foutaise. La ségrégation est théorique grand quoi, encore une foutaise. Où on veut que je me taise, que je pèse mes mots, j'en suis incapable. Comme Farrakhan coupable de dire les choses, je plaide non coupable. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, les propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, les propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, les propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. Au poignet, j'ai pas le choix, fut de baisser très bas. Tête d'un flot, skate, basse lancée, sans avocat. J'avance la tête haute à la barre, escorté par 4. Képi noir, l'affaire est sale et j'compte pas payer ma putain de défense. Face à la loi, mon avocat reste moi. Et alors, qui ça étonne l'état? Nous si jusqu'à l'os, mais on place et les juges racistes comme en Corse, putain. J'sais que j'vais béton, et j'sais que c'est pas la plaidorie d'un con qui m'éviterait une putain d'entorse. Si j'béton, bordel, on me dit de jouer sur l'honneur. J'veux bien, mais sous la vie de nos mères. C'est la mort sur du fouet qui fait des nègres et l'esclave. Votre honneur d'offre, je suis militant tout comme Toussaint, puis gênant que moi tu meurs. Je t'assure, on crame les yeux, on sort les armes, nos mères. On pleure, nos larmes sans l'essence, la flamme du FN. On est vite pour pas que ça pète dans cette putain de France. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. Et en plus, c'est fini, fini l'époque. On était de l'autre côté du feu aujourd'hui. C'est notre tour d'éclat et leur putain d'entier sur la ouais. Façon American History ouais. Donc, bien pour blesser le Ku Klux Klan et le FN, vous le savez. Monsieur le procureur, comment se sentir à l'aise dans un pays fait pareil pour les blancs depuis des décennies? L'Enzoï veut nous niquer plus de 30 millions d'ennemis. Maintenant on a avant même de sortir du vent de la merde. Dream Dreamos, Timmy Rare, sont les kings comme Martin. Martin sans vif pour la tête du Black Panther. Qui se plaint, j'ai la haine d'un Huey Newton. Et le discours d'X Malcolm, j'ai Malcolm. James Bird, roué de coups en somme, on brûle les urnes. Les types de la croix gammée en sort les armes. Que les miens tiennent leur burne et que la race aryenne s'alarme. J'ai fini de plaider ma cause, mais je reste planté là, maté là. Juge risque 27 piges comme Mandela. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. J'milite, pousse à leur limite, propos à la soi-disant élite. Et leur crache à la face mon cri de militant. Malcolm X. Toussaint Louverture. Huey Newton. Martin Luther King. L'audience est levée.